La traversée du désert, page 36. Après la sortie d'Égypte, la joie du peuple d'Israël s'éteint peu à peu. Le désert est hostile. Le soleil brûle la peau et assèche les gorges. Les cailloux écorchent les pieds. Le sable irrite les yeux. Très vite, la nourriture et l'eau viennent à manquer. Les hommes commencent à se plaindre. Comme il était bon le temps où nous étions esclaves et où nous mangions à notre faim. Au moins, nous avions de la viande et du pain. Dieu entend les plaintes de son peuple. Il dit alors à Moïse, « Après le coucher du soleil, vous aurez de la viande. Et demain, au lever, vous trouverez du pain. Vous n'en manquerez pas. » Dieu est fidèle. Au moment où le soleil se couche et rougeoie à l'horizon, il envoie un vol de cailles au-dessus du campement. Le bruit de leurs ailes, innombrables, fait sortir le peuple des tentes. Les hommes chassent les oiseaux et les femmes les cuisinent. C'est un véritable festin. Et le lendemain matin, lorsque la rosée s'évapore, une fine croûte blanche reste à la surface du sol. Les hommes s'interrogent. « Manou !» disent-ils. Ce qui en hébreu signifie « Qu'est-ce que c'est ?»« C'est du pain ?» répond Moïse. « C'est la manne que Dieu vous donne. » Le peuple, rassasié, rend grâce à Dieu. Mais son enthousiasme retombe rapidement. Maintenant, les hommes ont soif. Ils recommencent à se plaindre. « Dieu nous a-t-il fait venir dans le désert pour que nous mourions de soif ?» reproche-t-il à Moïse. « Donne-nous de l'eau !» Dieu entend les lamentations de son peuple. Il est patient. Il dit alors à Moïse, « Prends ton bâton et frappe ce rocher. L'eau jaillira et mon peuple boira. » Ainsi fait Moïse. L'eau coule du rocher. Les femmes remplissent les outres et le peuple désaltéré rend gloire à Dieu. Alors, Dieu décide de montrer encore plus son amour à son peuple. Il souhaite lui donner une loi. Il descend sur une montagne, dans des éclairs et des coups de tonnerre, et appelle Moïse à venir le rejoindre au sommet. Moïse grimpe sur la montagne et y reçoit les tables de la loi où Dieu a gravé les 10 commandements. Mais Moïse tarde à revenir. Le temps passe. Les Hébreux s'inquiètent de son absence, puis ils l'oublient. Ils oublient Moïse et Dieu qui a fait pour eux tant de prodiges. Ils se fabriquent un autre Dieu, un veau en or qu'ils adorent en se prosternant devant lui. Moïse reste 40 jours et 40 nuits dans la montagne. Puis Dieu entend les prières que son peuple adresse au nouveau Dieu. Dieu est furieux. Il dit à Moïse, « Je vais déchaîner ma colère contre ce peuple mauvais. » Moïse supplie Dieu de n'en rien faire. N'a-t-il pas promis à Abraham, à Isaac et à Jacob de les conduire jusqu'à la terre de Canaan et de leur donner une descendance nombreuse? Dieu se souvient de sa promesse. Il oublie sa colère. Pourtant, les récriminations du peuple hébreu reprennent de plus belle. Les hommes ont faim et soif. Les enfants sont fatigués. Les vieillards, malades. Arriveront-ils un jour quelque part? Cette fois-ci, Dieu perd patience. Ne s'arrêteront-ils jamais de se plaindre? Pour punir ce peuple ingrat, il envoie des serpents qui mordent les fils d'Israël et les font mourir. Les Hébreux, au désespoir, vont trouver Moïse. « Nous avons péché contre Dieu » s'écrie-t-il. « Demande-lui d'éloigner ces serpents !» Dieu entend les pleurs de son peuple. Il a pitié et il pardonne. Il dit alors à Moïse, « Fabrique un serpent en métal et plante-le en haut d'un grand mât. Chaque fois qu'un homme sera piqué par un serpent, qu'il regarde cet étendard, et il restera en vie. » La marche dans le désert est longue, très longue. Les Hébreux ne cessent de se détourner de Dieu, puis, finalement, lui demandent pardon. Le Seigneur, lui, se fâche, punit, mais pardonne toujours, car il aime son peuple d'un amour infini. Les plus âgés meurent en chemin. Les femmes donnent naissance à de nouveaux enfants. Certains se marient. Et toujours, ils avancent dans le désert, guidés par la nuée de Dieu. Enfin, après 40 années de voyage, le peuple hébreu parvient aux portes du pays de Canaan, la terre que Dieu lui a promise, il est arrivé.